Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et quatre épisodes pour 59 minutes de radio Coups Humains. Cette semaine, attentat du 13 novembre, les dessous d'un procès historique. Une série de Michel Pomarède, réalisée par Julie Béressy. Alors pourquoi on vous raconte ça? Parce que ce mercredi 8 septembre 2021 a commencé ce procès qui va tenter de retracer et de comprendre chaque rouage qui a mené à ces attentats. Et parce que si on vous a raconté comment tentaient de se préparer les victimes à ce marathon, aujourd'hui on va voir comment se préparent les avocats. Et dans vos oreilles aujourd'hui, les 300 avocats des parties civiles et les 20 de la défense qui vont représenter les 1700 parties civiles et les 14 accusés et qui pour ça répètent, se coordonnent, s'organisent et appréhendent aussi un peu, forcément. Mais pour commencer, deuxième épisode, nulle part on échappe à une réunion Zoom. Attentat du 13 novembre 2015, les dessous d'un procès historique. Michel Pomarède, Julie Béressy. Le travail des avocats. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être soit là, soit connectés. Je rappelle que malgré le libellé du mail que vous avez reçu, il s'agit d'une réunion qui est exclusivement à l'attention des confrères qui sont constitués dans le dossier du 13 novembre. Donc si vous n'êtes pas constitué dans le dossier, merci de me déconnecter. Jean, si tu veux bien venir commencer, merci. Bonjour à tous, je crois qu'on s'entend bien. Le propos préliminaire que je me dois d'avoir, c'est d'abord une pensée pour tous, pour tout le travail que nous faisons auprès de nos parties civiles. On les accompagne avec passion, détermination et puis respect envers tout ce qu'ils ont souffert. Et je crois que tout le monde fait l'expérience actuellement de passer du temps avec eux. Et on voit bien la difficulté et l'immensité de la tâche. Et je dirais la grande difficulté qui apparaît pour nous tous, c'est de dire comment on va réussir avec le temps à porter ce défi qui n'est pas humain, de suivre 8 mois d'audience, et on ne pourra le faire que si on est coordonné, et c'est pour cela que je suis terriblement heureux que ce groupe pénal ait pris place petit à petit avec les difficultés inhérentes à ce genre d'aventure ensemble. Je crois qu'il faut remercier tous ceux qui dévouent et qui concluent leurs heures, leurs nuits, leurs week-ends pour veiller à ce que les choses se mettent en place avec la sérénité. On est dans votre cabinet, Maître Christidis, au centre de Paris, à quelques encablures du Palais de Justice. Palais de Justice où va se tenir donc en septembre le procès des attentats du 13 novembre 2015. Comment est-ce que vous vous retrouvez, vous, dans ce dossier? Tout simplement parce que mon associé avait des amis proches qui étaient au Bataclan et c'est comme ça qu'ils ont souhaité se constituer partie civile. Et puis par la suite, d'autres personnes, le bouche à oreille beaucoup, avec des personnes proches d'amis qui étaient sur les terrasses ou au Bataclan également. Donc on pourrait dire qu'il y a quasiment un facteur émotionnel avant un facteur professionnel qui préside à votre présence dans le prétoire du côté des parties civiles. Oui, je pense que c'est à peu près le cas de quasiment tous les avocats qui sont constitués dans ce dossier, qui sont souvent pour un ami proche ou pour une famille, et puis après par la suite qui ont été désignés par d'autres parties civiles. Mais à l'origine, c'est souvent effectivement des personnes qui sont émotionnellement donc proches. Maître Christidis, vous représentez combien de victimes ? 18. Donc vous représentez 18 victimes, mais votre rôle n'est pas que représenter ces 18 victimes, puisque vous coordonnez l'ensemble des avocats des parties civiles, et ces avocats sont au nombre de 300. Est-ce que vous pourriez me réexpliquer la genèse de cette coordination ? Alors, la coordination a commencé juste après les attentats, dès le mois de décembre 2015. Finalement, c'était la vice-bâtonnière Dominique Attias qui avait organisé une première réunion de tous les avocats qui étaient constitués dans le dossier, en disant qu'il fallait faire un travail en commun. Et c'est à partir de ce moment-là où on s'est dit qu'il fallait effectivement qu'on travaille ensemble pour essayer de se coordonner et puis de faire face à un dossier qui allait, de par son ampleur et de par l'émotion qu'il suscite, faire en sorte qu'on puisse travailler utilement tous ensemble ce dossier. Coordonner, concrètement, ça veut dire quoi? Vous avez fait des réunions de travail, sur quel dossier, sur comment vous êtes répartis les rôles? Coordonner, c'était au début essayer de faire déjà une sorte de résumé du dossier, de pouvoir l'appréhender. Et puis après, coordonner, c'était d'organiser des réunions régulières. Donc c'était quasiment tous les 2-3 mois au début. Et puis après, ça s'est un peu espacé en fonction du planning qui était fait lors de l'instruction. Et puis après, aujourd'hui, dans le but d'organiser le procès qui va commencer le 8 septembre, la coordination se fait avec plusieurs personnes, donc je ne suis pas toute seule dans cette coordination. Il y a d'autres avocats, on est une petite dizaine à essayer de coordonner 300 confrères pour s'organiser le mieux possible, c'est-à-dire faire des groupes de travail, proposer que les avocats travaillent ensemble sur différents thèmes, sur les accusés qui sont cités à l'audience. Concrètement, le nombre de groupes de travail, sur quel thème ? Il y a environ une trentaine de groupes de travail sur soit les accusés, soit des thèmes transversaux, que ce soit les appartements conspiratifs, les explosifs, les voyages qui ont pu être faits sur les différents pays qui sont impliqués également dans cette affaire. Donc il y a des groupes de travail, c'est généralement entre 3 et 5-6 avocats par groupe de travail qui se sont mobilisés et qui travaillent ensemble sur les différents thèmes qui ont été proposés. Est-ce que le but de ces groupes de travail pour circonscrire ce dossier qui fait à peu près 1 million de pages, c'est de fluidifier la prise de parole? C'est-à-dire que vous êtes 300 avocats des parties civiles, combien concrètement d'avocats vont prendre le micro à partir de septembre? Ça, on aimerait bien pouvoir le savoir réellement, mais le but effectivement de coordonner tout ça et de proposer, en tout cas c'est une proposition, on ne peut rien imposer, mais de proposer ces groupes de travail, c'est de permettre justement d'arriver à l'audience en disant voilà, il y a 5-6 confrères qui sont entre guillemets spécialistes ou qui ont travaillé sur ce thème ou sur telle et telle personne ou tel et tel accusé. Et le jour où il y a cette audition ou ce thème qui est prévu d'être exposé par la Cour, à ce moment-là, on proposera en tout cas que ce sont ces avocats qui poseraient des questions, si questions il y a, et qui pourraient intervenir lors de l'audience à ce moment-là. Vous, votre spécialité dans ce groupe de travail, Maître Christidis, c'est quoi ? Moi, je me suis plutôt focalisée sur notamment deux accusés, et je travaille en coordination notamment avec Gérard Chemla. Est-ce qu'il y a une personne ou un groupe de personnes qui travaille uniquement sur Salah Abdeslam, le seul terroriste aujourd'hui encore vivant dans le box ? Oui, il y en a plusieurs. En fait, il y a plusieurs groupes de travail. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de travail que nous avons proposé. Il y a évidemment d'autres avocats aussi qui souhaitent pas forcément travailler en groupe, qui veulent aussi travailler peut-être de façon un peu individuelle ou par affinité également, qui travailleront sur Salah Abdeslam, mais comme sur d'autres accusés également. À vos côtés, Maître Christidis, Maître Giffard, vous aussi, vous êtes coordinatrice des parties civiles, donc des avocats des parties civiles. Comment vous êtes intervenue et quelle est votre spécialité dans ces groupes de travail ? Moi, je suis intervenue comme Elena parce que j'ai été saisie par une bande d'amis qui était proche de ma famille. Et ensuite, le cercle s'est élargi par le bouche à oreille ou par des renvois de confrères aussi, ça a pu arriver. Et dans la coordination, alors moi je dirais qu'on est plutôt une petite vingtaine aujourd'hui à vraiment coordonner tout le monde, enfin en tout cas à s'efforcer de faire des propositions pour que le maximum de personnes adhèrent et qu'on aborde ce procès en essayant vraiment que les débats soient à la fois dignes et riches et efficaces. Moi mon rôle c'est surtout de m'enquérir de ce que chacun souhaiterait faire dans le dispositif pour que chacun trouve sa place en fonction de ses affinités, de ses intérêts, de sa disponibilité et essayer que l'ensemble ait un sens de cette manière-là. Le rôle d'un avocat, c'est de porter la parole d'un client. Est-ce que tout d'un coup, le rôle d'un avocat au procès des attentats, ça va être de porter la parole d'autres avocats qui n'auront pas la parole ? On va s'efforcer que tous les avocats qui veulent prendre la parole la prennent, évidemment. On va censurer personne, c'est pas du tout l'objectif. En revanche, ce qu'on va essayer de trouver, c'est des manières de faire qui conduiront peut-être un avocat à évoquer plusieurs clients qui ne sont pas forcément les siens, et un autre avocat d'évoquer d'autres clients sur un autre sujet. Donc c'est plutôt une histoire d'organiser, de rationaliser la parole, plutôt que de la capter, vraiment. C'est en ayant en tête que si nous prenons tous la parole pour chacun de nos clients, ça aboutit à une espèce de tunnel inaudible de potentiellement 1700 plaidoiries, avec le risque de redondance, le risque tout simplement que personne n'écoute parce que les choses se ressembleront, parce que chaque destin individuel sera dissous dans une masse. Et c'est évidemment notre contrainte principale, et c'est pour ça qu'on réfléchit en fait à coordonner, parce que sinon on ferait les choses classiquement. Alors peut-être que dans cette perspective-là, oui, les avocats se retrouveront dans un positionnement tout à fait inédit. On l'a déjà expérimenté avec le procès des logeurs, Ben Daoud et autres, où effectivement certains avocats ne s'étaient pas exprimés et s'étaient reposés sur une parole qui avait été concertée à l'avance avec d'autres. Et est-ce qu'il y a eu un retour d'expérience de ce procès pour faire avancer les choses ? Il y a un retour d'expérience un peu empirique comme ça, qui globalement, ça a été plutôt une expérience bien perçue par les confrères. Il n'y a personne en tout cas qui nous a dit que c'était pour eux négatif, que c'était pour eux qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été à la hauteur du procès. Maître Giffard, le procès des attentats du 13 novembre, c'est le procès de 14 hommes. Donc pénalement, c'est leur procès. Mais est-ce que de facto, on n'est pas déjà dans le procès des parties civiles ? Alors ça, c'est toute la question de la place des parties civiles dans le procès pénal en général, et dans ce procès-là en particulier. La place classiquement des parties civiles est assez réduite dans un procès pénal, puisque le procès pénal a pour objet premier de juger des accusés. Mais là, c'est vraiment pour le coup l'occasion de redéfinir, à partir de contraintes qui sont énormes, qui sont donc les contraintes de masse, les contraintes d'espace, les contraintes de temps, de redéfinir la place des parties civiles. Et on est obligé, finalement, d'inventer quelque chose. On est obligé d'être créatif, parce que sinon, la place des parties civiles dans ce procès se réduit à néant à cause de leur nombre. Ce qui serait quand même tragiquement ironique, étant donné qu'elles ont été victimes des crimes les plus graves commis depuis la Deuxième Guerre. Alors justement, vous citez la Deuxième Guerre, Maître Giffard, est-ce que vous avez conscience que c'est aussi un procès pour l'histoire, puisqu'en plus, il est filmé pour les archives nationales ? Oui, bien sûr, on en a conscience. On a conscience aussi du fait que ce qui était visé dans ces actes terroristes, c'était pas nos clients, c'était quelque chose qui dépasse nos clients, qui nous dépasse tous, qui sont des perceptions, de valeurs, de symboles que représente la société française, la République française, et donc on a aussi cette responsabilité de défendre nos clients, certes, il faut qu'on fasse le maximum pour qu'ils se sentent reconnus dans ce procès, mais aussi de prendre de la hauteur par rapport à ça, pour tenir compte de ces enjeux très particuliers. Maître Giffard, 14 hommes sont dans le box. Ces hommes-là représentent une organisation qui a attaqué la France ou l'État français. Vous représentez des parties civiles, mais est-ce qu'in fine, vous n'allez pas mettre aussi en accusation les défaillances de l'État ? Alors ça, c'est une des choses avec lesquelles on doit composer quand on travaille à beaucoup. Effectivement, il y a des approches très différentes parmi toutes les parties civiles et parmi leurs avocats. La communauté des parties civiles est traversée par les mêmes clivages que la société générale, par les mêmes préoccupations. Et là, il y a effectivement une partie des parties civiles qui considère que l'État n'a pas été à la hauteur des risques que l'on connaissait, que l'on aurait dû être en mesure de prévenir, d'anticiper. Donc en effet, il y a des interrogations qui vont être posées et ces sujets seront évoqués. Mais on va essayer aussi de préserver un équilibre entre toutes les attentes des parties civiles qui sont donc multiples et très différentes. Comment mettre en demeure ou pointer un doigt accusateur face à l'État puisqu'il n'est pas dans le box ? Non, l'État n'est pas dans le box. En revanche, il y a quand même beaucoup de choses au dossier qui permettent d'appréhender cette question-là. Il y a des confrères parmi les parties civiles, notamment Olivier Maurice, qui est très connaisseur de ces questions, qui a pu les évoquer devant la commission d'enquête parlementaire. Des témoins seront là pour, entre autres, évoquer ces sujets. C'est comme ça que ces sujets vont être abordés, même si l'État n'est pas dans le box. Il y a aussi des personnalités politiques qui seront cités comme témoins et qui devront répondre aux questions qui seront posées. C'est-à-dire que, outre donc ces 14 accusés, ce cadre pénal bien circonscrit, est-ce que vous pensez que le procès peut déborder, entre guillemets, vers autre chose, un procès politique ? On espère qu'il ne va pas déborder, comme vous dites, parce que on doit rester concentré sur l'objectif premier du procès. En revanche, notre rôle vis-à-vis de nos clients victimes, c'est de nous assurer que toutes les questions qu'elles se posent soient posées. Voilà. Après, ça rentrera dans le débat public, ça rentrera dans... On va justement éviter, on va justement s'efforcer d'éviter que ça déborde dans cette direction ou dans une autre, parce qu'il y a d'autres écueils. On voudrait que ce procès concerne tout le monde, concerne toutes nos victimes dans toute leur diversité d'approches, et que personne ne se retrouve laissé pour compte dans cette audience. Maître Giffard, est-ce que vos victimes, vos clients, ont l'espoir ou l'attente que la sanction vaille réparation, c'est-à-dire que soit à la hauteur de leur trauma ? Ce qui n'est peut-être pas l'enjeu d'un procès où 14 hommes, peut-être, certains vont être innocentés, d'autres vont avoir des peines réduites. Est-ce qu'ils se préparent à cette éventualité-là ? Je ne suis pas sûre que la sanction soit la demande la plus importante de mes clients. C'est évidemment un point qui va les aider, mais je pense que peut-être le point commun de mes clients et de beaucoup de parties civiles, c'est le besoin de comprendre, en fait, de comprendre pourquoi ça s'est passé, comment ça a pu se passer, comment des jeunes hommes qui peuvent être nos voisins, nos camarades de classe, en arrivent à ça. Comment ça peut se passer à Paris en 2015 ils ont plutôt des questions qu'un désir de enfin, ils savent bien que le fait que ces hommes restent en prison encore longtemps ou moins longtemps ne changera pas fondamentalement leur situation qui, elle, est partie pour durer quand même. Maître Christidis, qu'est-ce que vos clients ou vos clientes peuvent attendre de nouveau qui n'ait pas déjà été révélé au grand public, c'est-à-dire les frères Klein commanditaires, l'État islamique, Molenbeek, les trajets, etc., etc. Il faut savoir que finalement, durant l'instruction, il y a eu des réunions qui ont été organisées par les magistrats instructeurs auprès des parties civiles, en les convoquant, en faisant un petit peu des points d'étape, parce que c'est un procès hors norme aussi, et donc c'était aussi une instruction avec un nombre de victimes qui défie finalement toute loi au niveau pénal en tout cas. Donc c'était pas des auditions comme on peut voir dans des dossiers classiques de parties civiles. Donc il y avait des points d'étape et certaines parties civiles que j'assiste étaient un peu en retrait au stade de l'instruction, n'avaient pas forcément envie d'être au courant de tout, avaient les informations plutôt par la presse et étaient un peu vraiment en retrait et aujourd'hui souhaitent un peu plus s'impliquer. Et vous savez, entre ce qu'il y a dans un dossier d'instruction qui fait 1 million de pages et puis le procès, tout ne sera pas forcément évoqué. Les points les plus importants seront certainement évoqués par le président et en essayant avec toutes les parties, que ce soit au niveau de la défense, des parties civiles et du parquet, de faire ressortir la vérité judiciaire. On n'a pas prononcé le mot de guerre, Maître Christidis. Est-ce que vos clients, clientes, comprennent que en fait, ces actes s'inscrivent dans un processus long entre des gens qui sont en guerre et nous aussi, eux, utilisant la guerre du pauvre, c'est-à-dire le terrorisme ? Alors, le terme de guerre n'est pas utilisé puisqu'on est devant une cour d'assises, qu'on est quand même sur une procédure de droit commun, même si c'est pour juger des faits terroristes, même si on sait évidemment que le terrorisme touche et est considéré aussi comme un acte de guerre, évidemment. Certaines victimes que j'assiste ont eu ce sentiment d'assister à une scène de guerre. Évidemment. Et en même temps, est-ce qu'ils ont cette attente que ce soit jugé comme un acte de guerre ? Ce sont des hommes qu'on juge aussi face à d'autres êtres humains qui ont été touchés au plus profond de leur être, que ce soit par le décès d'un proche ou parce qu'eux-mêmes ont été blessés ou juste parce qu'ils ont assisté à quelque chose, à des scènes de guerre réellement, effectivement. Et ça a été décrit notamment par les experts qui ont pu voir de nombreuses victimes et même par les services enquêteurs qui sont intervenus sur place. Oui, c'est face à des scènes de guerre et en même temps, il faut juger avec un code de procédure pénale et un code pénal qui est applicable. En même temps, quand le président de la République, Emmanuel Macron, décore les victimes, il les décore au titre de victimes civiles de guerre. Oui. Donc elles ressortent du ministère des anciens combattants. Donc on est bien dans un contexte de guerre. Oui, en fait, je pense qu'il y a deux choses. Il y a le procès qui va se tenir, qui va être de juger des hommes pour des actes terroristes qu'ils ont commis ou pas. Mais en tout cas, ce sera à la cour d'assises de décider. Et à côté de ça, il y a la possibilité, même pour les victimes, d'être reconnues comme pupilles de l'État, comme être effectivement décorées pour certains, d'avoir aussi la possibilité de saisir l'ONAC, qui est l'Office national des anciens combattants, pour pouvoir bénéficier d'une indemnisation aussi qui est accordée généralement pour les personnes victimes de guerre. Delphine Boisel, vous êtes avocate, vous êtes pénaliste et à partir de septembre 2021 et jusqu'en mars, avril, mai 2022, on ne sait pas, vous allez être l'avocate de la défense, donc vous allez défendre des accusés. Comment est-ce que vous vous retrouvez dans ce dossier ? Je suis rentrée dans ce dossier par l'intermédiaire d'une conseillère belge qui défendait une des personnes mises en cause et nous sommes en co-défense. Nous allons défendre à deux l'accusé que nous allons assister. Un mot sur votre client, sans dévoiler peut-être son patronyme ? Non. Pas de mot sur votre client. Alors justement, cette non-publicité ou cette non-communication, je l'ai perçu quand j'ai sollicité d'autres avocats de la défense qui, contrairement à vous, ne m'ont pas répondu. Est-ce que ça veut dire que vos confrères et consoeurs qui sont dans la défense des accusés ne veulent pas que leur nom soit associé à des terreaux, comme on dit, terreaux étant le terme policier et judiciaire pour dire terroriste? Est-ce que donc être avocat de terreaux, c'est pas bien vu en ce moment? Alors je ne peux évidemment pas répondre à ce genre de questions dans le sens où je ne sais pas pourquoi les confrères ou les consoeurs ne vous ont pas répondu. Je trouve... j'ai pas eu cette difficulté lorsque ma consoeur belge est entrée en contact avec moi. Je pense que chacun doit intervenir aussi selon sa conscience, selon ce qu'il a envie de faire de son métier. Ça ne me pose aucune difficulté de défendre une personne qui est assimilée à un procès terroriste. Donc voilà, je peux pas parler pour les autres confrères. Alors pour vous, qu'est-ce que vous ressentez dans cette préparation du procès, dans les échanges avec votre client? Comment est-ce que vous vous préparez, on va dire de manière professionnelle d'abord, à ce dossier? Alors c'est une question très vaste parce que ça va être un procès d'une très grande ampleur, répondant à un événement et à des événements de très grande ampleur qui ont... traumatiser notre pays et sûrement d'autres... évidemment, une pensée pour toutes les victimes directes et indirectes de ces événements. Mais se préparer, je crois que je ne réalise pas encore vraiment de ce que cela va représenter. Je sais tout le travail en amont qu'il faut faire. Donc en plus de l'activité courante du cabinet actuellement, donc de devoir travailler pour préparer cette audience, préparer le client. Après, ce que cela représente pour l'instant, je dois dire que je suis assez mitigée entre une forme d'angoisse par le travail que cela va demander, par la mobilisation du cabinet que cela va demander pendant les 8 mois, puisque vous l'avez annoncé, on ne sait pas trop quand est-ce que cela va se terminer, même si normalement on devrait terminer avant les vacances de Pâques. Et puis une forme de évidemment d'intérêt professionnel, d'excitation, si je peux utiliser ce terme-là, sur ce que nous allons traverser collectivement, que ce soit avec tous les avocats, partie civile et défense, avec les membres de la cour, avec la presse qui sera présente également. Voilà, de se dire aussi maintenant que nous nous préparons déjà depuis un certain nombre de mois, l'envie d'y aller, que ça commence pour qu'on voit un peu ce que cela va être lorsque nous serons dans cette grande salle d'audience particulièrement impressionnante. Voilà, donc je dois dire que je suis un tout petit peu, à titre professionnel, assez impatiente, mais assez angoissée également. Maître Boisel, vous avez prononcé le mot d'excitation, et c'est celui que les policiers de l'identité judiciaire en 2016, un an après les attentats, m'ont décrit de leur état, en disant que ne pas être dans cette nuit-là, c'était rater sa carrière. Est-ce qu'il faut être dans le dossier des attentats multiples du 13 novembre 2015 quand on est avocate pénaliste aujourd'hui à Paris ? Alors, je ne crois pas du tout. Je pense que pas du tout. Être avocat pénaliste, c'est plein d'autres choses que le dossier du 13 novembre. Après, il est vrai qu'on va sûrement vivre une aventure particulière. Donc voilà. Mais après, est-ce que j'aurais regretté de ne pas y être ? C'est une vraie question. Je ne peux pas y répondre en réalité. Mais je pense que ça m'aurait effectivement questionné au moment où cette aventure, parce que ça va être une aventure. Ça va être une aventure dans le sens où cela va nous mobiliser vraiment beaucoup de temps dans une situation particulière en termes de sécurité, en termes de le palais de justice de la cité va être bunkérisé. Et donc voilà, ça va. Mais après, je crois que on est avocat pénaliste pour autre chose que ce genre de procès aussi. Maître Boisel, vous n'êtes pas que pénaliste dans votre cabinet du 11e arrondissement, vous êtes aussi la présidente de la section française de l'Observatoire international des prisons, donc un rôle qui vous mobilise, qui est chronophage. Comment est-ce que vous allez faire pour gérer cet agenda, ou est-ce que vous allez mettre en sommeil ce rôle ? Alors, je ne mettrai pas en sommeil ce rôle. Il va falloir, c'est en cela où je dis que l'impatience et l'angoisse sont présents, dans le sens où je ne sais pas comment on va gérer en fait tout, mais il va bien falloir, donc il n'y aura pas le choix. Après, puisque vous parlez de l'OIP, c'est une structure qui fonctionne aussi grâce aux membres du secrétariat national, grâce aux militants, aux adhérents. Donc voilà, si la présidente est absente un tout petit peu plus, je pense qu'ils s'en sortiront très bien. Mais je n'ai évidemment pas du tout l'intention de mettre en stand-by cette activité qui me tient à cœur, cet engagement qui me semble d'autant plus important aussi quand on affronte un dossier terroriste, parce que c'est aussi des questions importante en termes d'enfermement, de ce que va impliquer aussi la prison dans le parcours des hommes qui vont être qui vont comparaître à partir du mois de septembre, ou de ceux qui sont déjà incarcérés avec cette étiquette de terroriste que vous évoquiez tout à l'heure, ou de personnes radicalisées. Donc non, il n'y aura pas de mise en stand-by de cette activité parallèle. Les avocats des parties civiles se sont structurés en groupes de travail. Est-ce que vous avez d'autres contacts avec d'autres avocats de la défense ? Est-ce que vous rencontrez ou est-ce que c'est un travail beaucoup plus solitaire ? Alors, je pense que ça a été un travail solitaire qui se structure un petit peu, là, à l'approche de l'audience. Nous avons des contacts les uns avec les autres. Alors, sûrement moins structurés que ce qu'ont pu mettre en place les confrères de la partie civile, mais nous commençons effectivement. Alors, nous sommes aussi quelques-uns à participer au groupe de travail mis en place par la Cour d'appel pour justement régler un peu les détails, tant du côté partie civile que du côté défense. Donc voilà, ça se structure. Je voudrais revenir sur le mot aventure que vous prenez, Maître Boisel, pour désigner ce procès. Est-ce qu'on peut parler d'un voyage, ou est-ce qu'on peut parler aussi d'une catharsis nationale ? Non, j'utilise le terme d'aventure parce que j'ai l'impression que physiquement, émotionnellement, ça va véritablement être quelque chose pour tous les participants. Ça va être effectivement un moment compliqué. Après, voyage, je n'utilise pas ce terme-là parce que pour moi, ça a forcément une connotation extrêmement positive, et que je ne suis pas sûre qu'on soit dans un moment extrêmement positif. Catharsis nationale, c'est à mon sens pas le lieu d'un procès judiciaire. Un procès judiciaire ne doit pas être un moment de catharsis nationale. Peut-être qu'il aura ce but-là pour certains intervenants, mais on va juger 14 hommes. Donc voilà, c'est ce moment-là, ça va être leur procès à eux. Je pense qu'on n'y coupera pas, mais ce n'est pas le procès des parties civiles. Ça ne peut pas être le procès des parties civiles, ce n'est pas le procès de la nation. C'est le procès de 14 hommes qui vont devoir répondre d'actes graves et qui doivent pouvoir se défendre. L'avocate Fanny Vial. Alors, il faut savoir qu'on est ancien secrétaire de la conférence avec Albéric de Gaillardon, donc qui est le deuxième à défendre Farid Karkacha. Et la réalité, c'est que quand on est ancien secrétaire de la conférence ou secrétaire en poste, on a des affaires criminelles pour lesquelles on est désigné au titre de la commission d'office. C'est le bâtonnier qui procède à cette désignation. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plusieurs noms qui ont été proposés à la famille de M. Karkacha. Et c'est eux qui ont choisi parmi cette liste le mien. Donc moi, j'ai ensuite demandé à Albéric de Gaillardon de venir avec moi sur ce dossier parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble. Et puis parce que aussi, avec le client, ça s'est extrêmement bien passé tout de suite, immédiatement. Donc c'est vrai qu'on avait l'habitude déjà de travailler de cette façon-là. Maître de Gaillardon, un mot sur votre client. Qu'est-ce qu'on lui reproche ? Donc notre client, c'est Farid Karkacha, et on lui reproche l'infraction donc d'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, et de façon plus précise, on lui reproche d'avoir servi d'intermédiaire entre un faussaire et des terroristes, et d'avoir finalement facilité la fourniture de faux papiers, lesquels ont facilité un certain nombre d'actions préparatoires comme la location de box, la location d'appartements conspiratifs. Donc c'est ça qui est reproché à notre client, et nous on entend bien qu'il ne soit pas condamné pour une association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, parce que on conteste très vigoureusement le fait qu'il ait été informé, qu'il avait conscience de la qualité de son interlocuteur, des projets funestes de son interlocuteur. Et on est absolument persuadé, je crois que c'est une conviction qui en plus est étayée par des pièces du dossier, que il n'était pas du tout conscient de cela et qu'il pensait avoir affaire avec ce qu'on peut appeler un délinquant de droit commun. J'ai une question peut-être un peu naïve par rapport à votre profession. J'ai l'impression que beaucoup d'avocats de la défense sont jeunes. Je cite Olivia Ronan qui se retrouve avec le dossier Salah Abdeslam récemment. Que sont devenus les ténors du barreau dans ce dossier ? Ils sont à la chancellerie. Ils sont pour l'instant pas dans ce dossier-là. Ils ont d'autres dossiers. Ne vous en faites pas pour eux. Ils sont sur d'autres dossiers. Non, je crois qu'il y a... De toute façon, dans ce dossier-là, il y a beaucoup d'anciens secrétaires de la conférence parce qu'il y a... beaucoup d'accusés qui finalement ne connaissaient pas d'avocat et qui du coup ont demandé la désignation par le bâtonnier d'ancien secrétaire de la conférence. Donc je pense que cette jeunesse et cette fraîcheur, elle vient de la conférence du barreau de Paris. Où sont les ténors du barreau ? Ils se cachent ? L'avocat terroriste, avocat terroriste leur plaît pas dans leur carrière ? Est-ce qu'on peut parler crûment ? Non, je suis pas sûr que ce soit très intéressant de regarder de façon très corporatiste notre nombril pour savoir où sont les ténors, où sont les. Moi, je vois surtout une réalité, hein, c'est que les personnes qui seront jugées à partir du mois de septembre sont des gens qui sont souvent issus de milieux populaires, qui ne connaissent pas d'avocats et donc qui ont demandé. Avoir des avocats commis d'office, et le barreau de Paris permet que des avocats soient commis d'office. Et brillant. Bah ça, j'en sais rien, mais en tout cas que qui est la conférence, c'est pas l'avocat du coin de la rue. Ouais, non, mais c'est vrai, mais il y a aussi des avocats qui seront des confrères belges qui seront là, parce que c'est un dossier qui a une dimension européenne avec un certain nombre de faits qui entrent dans l'épure des faits qui seront jugés en septembre et qui sont déroulés en Belgique. Donc il y aura une diversité d'avocats, et ça je pense que c'est aussi important, quoi, qu'il y ait des voix différentes, qu'il y ait des gens qui fassent parler leur expérience, qu'il y ait des gens qui fassent parler notamment leur expérience de ce type de procès. J'imagine qu'il y a des avocats qui ont déjà défendu des clients dans les procès de Charlie Hebdo, dans d'autres procès, et cette expérience elle sera précieuse parce que ce sont des procès qui sont vraiment singuliers. Maître Aéry, vous êtes avocate, vous êtes pénaliste et à partir de septembre 2020, vous allez siéger du côté de la défense des accusés. Vous pouvez me parler de votre client ? Oui, alors c'est une personne qui est accusée dans ce procès d'être allée chercher Abdeslam à la suite des attentats depuis la Belgique en voiture à Paris et de l'avoir ramené à Bruxelles. Donc recel de malfaiteurs infraction criminelle, et par ailleurs association de malfaiteurs pour divers éléments matériels qu'on lui reproche, voilà. Comment est-ce que vous êtes arrivée sur le dossier ? Alors j'étais secrétaire de la conférence en 2015, ce qui m'avait donné la possibilité de récupérer des ouvertures d'informations criminelles. Et parmi ces dossiers-là, je suis tombée sur mon client. Et en fait, on a noué une relation de confiance dès ce moment-là et je le suis depuis un peu plus de 5 ans aujourd'hui. Dans quel état d'esprit il est ? Alors, il y a eu des hauts et des bas. Je pense que les 5 années de détention ont été difficiles. Il conteste les faits d'association de malfaiteurs. Donc, je pense qu'au départ, il y avait une espèce d'incompréhension de son implication. Et puis, il s'est fait une raison. Donc, il y a eu une espèce de flottement de quelques temps. Et là, avec l'approche du procès, la préparation, l'idée de devoir se battre, d'être dans l'action, eh bien, il est de plus en plus déterminé et prêt à se battre. Vous avez des contacts avec sa famille ? Oui, on a des contacts avec quelques membres de sa famille pour les tenir informés de l'évolution, surtout procédurale, pour qu'ils sachent un peu de quoi il est question. Et puis, principalement, notre client, oui, avec Xavier Noguerens, on le voit assez fréquemment. Xavier Noguerens, vous êtes déjà connu pour avoir défendu Jawad Ben Daoud, relaxé en première instance et condamné en appel à 4 ans de prison. Est-ce que avocat de terroriste aujourd'hui en 2021? Non, c'est facile à porter. Oui, je l'apporte. Enfin, j'envisage pas les choses de cette manière-là. Je défends des personnes qui sont poursuivies pour des associations de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. C'est quand même légèrement différent. Étiqueté dans ces dossiers-là, ça a été peut-être un petit peu compliqué au départ. Maintenant, moi, j'assume parfaitement. Je ne fais pas que ça. Je suis avocat pénaliste d'abord, donc je fais du droit pénal. Et donc, les réflexes d'un avocat pénaliste sont les mêmes que vous soyez dans le cadre d'un dossier de meurtre, d'assassinat, de pédophilie ou de terrorisme. Donc, je peux comprendre qu'on nous mette des étiquettes. Je comprends beaucoup mieux mon métier, donc j'ai pas de difficulté avec ça. Est-ce que avoir été l'avocat de Jawad Ben Daoud a accru votre notoriété et celle de votre cabinet ? J'ai, avant de défendre Jawad Ben Daoud, défendu des dossiers en lien avec des entreprises terroristes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'infraction qui était reprochée à Jawad Ben Daoud, c'était une infraction qui n'est pas une infraction terroriste en fait. Hein. On est sur un recel de malfaiteurs. Alors c'est effectivement un dossier au départ qui est terroriste, hein, c'est le début du dossier du 13 novembre. Là on va avoir véritablement la suite et fin, mais on l'a extrait de cette procédure-là pour en faire une procédure à part entière. Jawad Ben Daoud n'a pas été condamné pour une infraction terroriste, donc c'est véritablement une procédure de droit commun. Est-ce que ça a accru ma notoriété ? Oui, d'une certaine manière, en qualité d'avocat pénaliste. Et puis par ailleurs, après la procédure de Jawad Ben Daoud, j'ai continué à défendre des personnes poursuivies pour des infractions d'associations de malfaiteurs terroristes. qui par ailleurs ont une ampleur beaucoup plus importante. Je pense aux attentats de Villejuif, je pense aux bonbonnes de gaz de Notre-Dame, je pense à la filière de Cannes-Torcy, enfin, des gros procès terroristes criminels qui ont donné une autre visibilité, qui ont participé davantage au fait de m'étiqueter en qualité d'avocat qui exerce dans ce domaine-là en particulier. Est-ce que c'est difficile d'avoir comme client quelqu'un qui est poursuivi dans un cadre de terrorisme? Je me rappelle vous avoir vu à l'audience de Jawad Ben Daoud quasiment le prendre par le collet pour le calmer pendant une audience. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est psychologiquement plus éprouvant? Je pense qu'il n'y aura jamais plus difficile que d'avoir défendu Jawad Ben Daoud avec les difficultés qui sont les siennes, des difficultés personnelles liées à sa vie et à son parcours, et des difficultés liées aussi à la situation dans laquelle il s'est retrouvé, et puis cette ultra-médiatisation. Je rassure tout le monde, ce ne sera pas du tout le cas avec notre client qui est plutôt très très calme, qui est assez agréable et qui va se défendre aussi. Mais je pense qu'effectivement, il n'y aura pas plus difficile que Jawad Ben Daoud. On est aussi un peu maintenant entraîné à ce qui va nous arriver véritablement de difficile. C'est l'affrontement avec 1500 victimes. Alors pas directement les victimes, mais avec leurs avocats. C'est plus d'une centaine d'avocats. 300, voilà. Plusieurs centaines d'avocats en partie civile qui vont évidemment porter la parole de leurs clients. Une accusation qui est extrêmement bien aussi ficelée, puisqu'on a 3 avocats généraux. Voilà, c'est ça notre difficulté véritablement dans un procès d'une telle ampleur. C'est pas tellement défendre quelqu'un poursuivi pour ces faits-là. Ce qui est difficile aussi, c'est la douleur. Ils sont assoiffés de réponse, pas de vengeance, hein, de réponse, d'avoir une réponse, des explications à trouver à la mort d'un proche. Donc ça, c'est difficile, c'est lourd à porter pour un avocat, pour des avocats comme nous, dans cette matière-là. Mais nos clients, non. Sincèrement, je trouve qu'ils se comportent plutôt bien et ils sont concentrés sur l'épreuve qui les attend. Maître Aéry, comment vous, avec votre confrère Nogueras, vous allez faire pour que ce procès, qui est pénalement le procès des accusés, ne devienne pas le procès des parties civiles? C'est assez compliqué, en fait. D'abord, je ne suis pas sûre qu'on puisse tout prévoir aujourd'hui. On est évidemment partagé parce qu'on est tout à fait conscient de la nécessité que les victimes puissent s'exprimer. Ce qui est important, on le sait, ce n'est pas seulement de voir les auteurs d'une agression condamnés, c'est aussi le récit qu'on fait quand on est victime, la nécessité que son récit, son histoire soit consacrée par une décision de justice. Donc ça, c'est quelque chose qu'on admet absolument et on pense que c'est absolument nécessaire. Donc on est partagé entre cette idée-là, effectivement l'idée que le procès doit demeurer celui des accusés, c'est-à-dire une accusation contre la défense. Et alors comment est-ce qu'on l'envisage? En essayant de faire en sorte que, d'abord en espérant que tout le monde restera à sa place et qu'effectivement les parties civiles, les avocats ne se transformeront pas en avocats généraux. Ça, moi, j'ai cet espoir-là et je pense que ça peut tout à fait fonctionner avec cette idée-là. Et puis ensuite, s'il y a des débordements, on se défendra, en fait. Donc on ne peut pas accepter qu'il y ait plus des 3 avocats généraux qui sont d'ores et déjà missionné dans ce dossier, dans cette audience. Donc, Est-ce que le procès des attentats de 2015, c'est une catharsis nationale? Probablement. Oui, je l'ai, encore une fois, pour revenir à ce procès-là, mais en le mettant aussi en perspective avec les autres procès, notamment ceux des attentats de janvier, c'est toute une nation qui attend l'effet un peu cathartique de cette audience. On n'a pas compris ce qui s'était passé, on l'a compris par la suite, hein. C'est l'histoire de ces opérations de l'État islamique qu'on va mettre au jour, qu'on va essayer d'expliquer, de vulgariser d'une certaine manière. On a besoin de comprendre les failles, y compris au niveau des plus hautes instances, ce qui a pu permettre ce qui s'est passé. Donc, de toute façon, le procès, d'une manière générale, que ce soit celui-ci ou n'importe quel autre procès, un grand procès criminel, il a toujours, selon moi, une vertu un peu cathartique. Et encore plus lorsque c'est véritablement les fondamentaux de notre nation et qu'il y a des milliers de victimes, des centaines de morts dans des conditions abominables, quand ce sont certaines valeurs qui sont effectivement qui sont touchées, effectivement, je pense que les Français attendent de comprendre au travers de ce procès-là Et pour répondre à votre question, comment on s'y prépare, en réalité, la seule réponse, c'est le travail, en fait. Il faut qu'on travaille. Un dossier, c'est... nous, on touche du doigt parce qu'on est vraiment dans ces pages, dans ces récits, dans ces interrogatoires, dans ces confrontations. On est au cœur du dossier. C'est le travail qui nous permet de porter la parole d'une personne et de défendre au mieux, en réalité, pour notre client, mais aussi pour la meilleure compréhension. Parce que si vous attendez en tant que victime une réponse, autant que cette réponse soit le plus près possible de la vérité. Est-ce qu'on peut entrer dans le détail du travail ? Vous avez des procès-verbaux dans le dossier, vous avez des enquêtes, en fait, enfin, tout est rassemblé. Qu'est-ce que ça veut dire travailler ? Ça veut dire confronter mot par mot, ligne par ligne, votre client au procès-verbaux, à ce qu'il a pu... C'est quoi le travail ? C'est, sans rentrer dans notre stratégie, qui d'ailleurs n'est pas une stratégie, hein, parce que c'est quelque chose qui est proposé par les avocats, et, évidemment en consultation avec la personne que l'on défend. C'est observer, lire une accusation, c'est ça, c'est le travail de l'accusation, de monter une culpabilité, de proposer une culpabilité à la cour, et de voir dans quelle mesure cette accusation est circonscrite, elle est limitée par le récit de notre client qui a vu ou qui a vécu les choses d'une manière différente. Vous verrez au cours de ce procès que la personne que nous défendons, elle intervient après et elle intervient un petit peu avant. Sur le milieu, elle n'y est pas, elle ne fait pas partie des commandos. Bon. Donc la question, c'est d'avoir les deux récits, celui de l'accusation et de notre client, et de trouver la meilleure traduction juridique du comportement. C'est-à-dire que le comportement, on peut le traduire juridiquement en quelque chose ou pas ? Est-ce que ça signifie quelque chose quand on s'est comporté de cette manière-là, quand on a fréquenté de cette manière-là, avec ce degré de fréquentation ? Est-ce que ça a une traduction juridique ou pas ? C'est véritablement ça notre travail. Le reste, il faut lire, ne passer à côté d'aucun procès-verbal, et connaître le dossier, et on y arrive, hein, avec Négard, sur le bout des doigts. Sur le bout des doigts, évidemment, non, c'est quelque chose qui est très très difficile. Ce sont des faits absolument tentaculaires, donc il faut évidemment cibler pour être le plus efficace possible. Nous, on se concentre d'abord sur la situation de notre client, et puis petit à petit, on grossit, on prend de la distance. Mais effectivement, ce qui est très très important, c'est de voir dans quelle mesure les faits qui sont reprochés à notre client se traduisent, d'un point de vue juridique, par l'association de malfaiteurs terroristes. Et donc, ça, c'est notre travail. Et pour revenir à la question que vous posiez tout à l'heure, Xavier Nogueras dit effectivement qu'il y a quelque chose de cathartique dans ce dossier. Mais je pense que le piège serait, au moment du prononcé de la peine, d'essayer d'en faire quelque chose de symbolique. La peine doit demeurer, non pas exemplaire, ça n'a pas de sens, mais doit demeurer juste. Donc je pense que là où il y a un risque que l'émotion prenne le tout... il faut réinjecter du droit et de la mesure. Et on est justement face à une infraction que Xavier connaît évidemment très très bien, qui est une infraction extrêmement large, puisqu'on s'éloigne du moment de la commission d'une infraction pour se rapprocher du moment où on a peut-être eu l'intention de la commettre. Donc c'est une infraction qui est presque dématérialisée, c'est une infraction qui est presque de l'ordre du délit d'intention. Donc évidemment, il y a un problème probatoire qui se pose, c'est qu'on n'a pas toujours attendu suffisamment de temps, puisque c'est une infraction préventive, pour pouvoir récupérer des éléments matériels susceptibles de prouver l'idée criminelle. Donc c'est une infraction qui est très compliquée, elle évoque des faits qui sont souvent équivoques. Donc il faut faire très très attention de rester très précis, nuancé, de se rappeler de nos principes fondamentaux que sont l'interprétation stricte du droit pénal, une condamnation pour des faits effectivement commis, que le doute doit profiter à l'accusé. Vous voyez, tous ces éléments-là qui sont nos principes fondateurs, eh ben, il faudra peut-être en faire quelques petits rappels. Oui, et puis l'opinion publique ne connaît pas notre client, ne connaît même pas ce qu'on lui reproche, hein, d'accord ? On a en gros deux types de personnes, ceux qui ont participé directement en tant qu'auteur ou complice à cette tuerie, et puis vous avez des personnes qui, par le jeu de l'association de malfaiteurs, vont être récupérées par l'autorité judiciaire. La question sera de savoir s'ils savaient ce qui allait se passer, s'ils pouvaient le savoir. Et là, ça rentre peut-être un peu plus chez nous, dans notre, ce qu'on appelle un peu stratégie, s'il devait le savoir en réalité. Et évidemment, si vous me posez la question tout au début, est-ce que c'est facile pour vous de défendre des terroristes? Vous voyez quand même la différence entre celui qui a participé en tant qu'auteur ou complice à une tuerie et celui qu'on va chercher sur l'association de malfaiteurs parce qu'il aurait d'une certaine manière aidé en connaissant ou pas la radicalité d'autrui. C'est quand même difficile de le traiter sans préjuger de sa culpabilité de terroriste en amont. Ce qui est intéressant d'un point de vue didactique pour les victimes et aussi pour l'opinion publique, c'est que là, par le jeu de cette organisation-là, par cette cour d'assises spécialement composée, par cette salle qui a été construite pour l'événement, par ces retransmissions dans des salles, 15 salles d'audience différentes, par les retransmissions à la radio, par l'écho médiatique, que les gens comprennent véritablement. Ils ont la chance de pouvoir rentrer dans le cœur de ce dossier et de comprendre la responsabilité des uns et des autres. Et alors là, oui, une fois qu'ils auront compris ces éléments-là, ils pourront se faire leur opinion et décider que telle ou telle personne mérite une peine exemplaire. Mais avant tout cela, c'est une opportunité et une véritable chance de comprendre à la fois qui sont les personnes qui vont être jugées et deuxièmement, surtout, pourquoi ça a été possible sur notre territoire en 2015. Et je pense que c'est fondamental pour tout un chacun de venir s'intéresser à cette audience et aussi de savoir comment est-ce que notre justice juge et comment est-ce que notre justice réussit en étant légaliste à rendre étanches les portes d'une salle d'audience. Son... Il est brillant. Mais il est dément. Ouais. Mais Aurélie, dément. Sa patronne, est géniale aussi. Tu sais qu'elle Il a une voix démente, oui. Il est beau, oui. Il est intelligent. Oui. Vraiment, je vais le présenter à ma fille. Salut, à bientôt Elisa. Donc, Maître Giffard, visiblement j'ai raté quelque chose dans l'auditorium. Un jeune de vos confrères a ému l'auditoire. Oui, on a eu une présentation de... Du collaborateur d'Aurélie Covio, qui s'appelle Hugo Lomont, qui a conçu un questionnaire à destination des victimes pour qu'elles renseignent leurs déplacements dans le Bataclan, de manière à avoir une cartographie hyper précise de tous les mouvements de foule ce jour-là. Et c'est assez bluffant, effectivement, surtout pour des gens comme moi qui sont incapables de faire quoi que ce soit avec un ordinateur. Donc... Oui, on a de la chance d'avoir beaucoup de compétences différentes et qui permettent de créer des outils qui vont nous être utiles. Alors en tant que cheville ouvrière, coordinatrice de ces avocats qui sont réunis là, qui se sont vus, qui se sont parlés face à face, via Zoom, est-ce que vous êtes satisfaite de cette énième réunion, Maître Giffard ? Je ne sais pas ce que ça donnera au procès. En tout cas là, on travaille vraiment dans un esprit qui est super. Voilà. Où effectivement, on fait chacun ce qu'on peut faire, ce qu'on sait faire, au service de tous, sans chercher particulièrement à ramener sa fraise plus qu'un autre. Il y a une vingtaine de confrères qui se sont succédés pour faire des toutes petites prises de parole, expliquer ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils proposaient. Et là, on espère que tout ça va continuer à bouillonner jusqu'à avoir des choses vraiment intéressantes à proposer pour le procès. Très doux, on est en dehors de l'auditorium de la Maison du Barreau, donc juste derrière le palais de justice. Vous avez assisté à la réunion de coordination des parties civiles. Vous-même, vous représentez combien de victimes ? Alors, je représente pour l'instant 8 victimes directes et indirectes des attentats, uniquement des victimes concernées par l'attaque du Bataclan. À titre personnel et professionnel, qu'est-ce que vous attendez du procès en fait ? Alors, à titre professionnel, on attend de porter le mieux possible la parole de nos clients. À titre personnel, c'est un engagement compliqué, je vous le cache pas, sur 8 mois. Donc, on va faire en sorte que le cabinet tienne quand même la route sur ces 8 mois. Et voilà, en espérant, comme je vous le disais, donner la meilleure image possible de notre profession aussi, parce qu'il y a un enjeu d'image de la profession. Et c'est pour ça qu'on travaille ensemble. Voilà, l'idée étant de présenter une unité dans la mesure du possible des parties civiles, même si, comme je vous le disais, ce ne sera pas forcément le cas. Quoi. Vous avez des victimes, évidemment, dont vous représentez. Est-ce que vous les préparez à venir notamment témoigner à la barre? Et si oui, comment? Oui, alors nous on se pose pas mal la question parce que certaines vont effectivement prendre la parole. Nous on les prépare surtout en leur disant qu'elles sont libres de dire ce qu'elles veulent dire, qu'elles ont leur rôle, parce qu'il y a tellement de victimes aussi dans ce procès que beaucoup ne se sentent pas forcément à leur place ou pas forcément légitimes pour parler. Donc nous, notre rôle de préparation, c'est de leur dire que leur prise de parole est libre, leur prise de parole, si elle est importante pour eux, il faut qu'ils l'expriment comme elles le souhaitent, et surtout qu'elles sont légitimes à parler, puisque individuellement, quand bien même il y a 1700 parties civiles, elles sont victimes de ces attentats. Voilà, donc nous, notre rôle, c'est de essayer de faire en sorte que ce carcan de la cour d'assises spécialement composée ne soit pas trop pesant pour elles, et qu'elles aient une liberté de parole et de propos pour qu'elles puissent, ça puisse leur faire le bien qu'elles souhaitent. Moi, mes clients, je suis pas sûr qu'elles sachent précisément ce qu'on reproche aux personnes accusées devant la cour d'assises, puisqu'il y a les accusés les plus médiatiques dont on connaît le rôle, mais il y en a tout un tas d'autres qui ont des rôles beaucoup plus accessoires, et je ne suis pas sûr, alors qu'on les tient informés, qu'elles sachent précisément ce qu'on leur reproche, et pourtant elles ont l'intention de participer au débat. Le rôle du procès va être un rôle narratif, c'est-à-dire inscrire les préjudices et le deuil des victimes dans un récit. Le travail des avocats avec maître Frédéric Giffard, Elena Christidis, Fanny Vial, Delphine Boisel, Negara Airi, Xavier Nogueras, Victor Edou et Émeric de Gaillardon. La série documentaire, mixage Cédric Châtelus, réalisation Jolie Bérissi, un documentaire de Michel Pomared. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter avant de vous inscrire au barreau, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vona Bolivier, Anaï Morales et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter où vous voulez et quand vous voulez, le podcast, sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour se parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Demain, troisième épisode, une salle d'audience sur mesure. Et pensez aux autres rendez-vous documentaires de France Culture, toute une vie, l'expérience, une histoire particulière et les pieds sur terre.